Décembre 85, débarque par la petite porte, les pieds devant. C'est à reculons que j'écris ces notes. Les songes absents, mais le beat cardiaque semble présent. Le teint est rose, tout va bien, il s'appellera Florent. Premier couplet, draguant les décibels sous forme de pleurs. 10 octaves plus bas, une mère sanglote avec douceur. Première naissance dans le froid d'un hôpital normand. Pas pour longtemps, je joins le sud à seulement 2 ans. Nouveau départ, draguer cette chance capricieuse. Dans cette galère, le soleil se montrera précieux. Mais le sort s'acharne sur une famille s'agrandissant de 3 enfants avant que j'eus le temps de souffler mes 6 ans. Indécente est la pauvreté vue de l'intérieur. Séduisante semble-t-elle être aux yeux du procureur. Les huissiers harcèlent, le père rejette la paresse, la mère protège. Les enfants vivent une belle jeunesse. L'allégresse ne dure qu'un temps car le taron picole. Les bonnes notes ne changent rien, elle noie son cœur d'alcool. Alors chaque soir le présent s'habite conditionnel. Lorsque l'amour paternel se nourrit d'échymose maternelle. Une maternité plus tard naquit le 5e enfant. Avec lui la naissance d'un véritable clan. Et vu que l'adolescence se pointe, je n'ai que très peu de temps. Une tranche de vie s'est écoulée, j'aurai bientôt 10 ans. Nous sommes des milliers en France à être dégoûtés. Je vais être un pilier du sens, pas de l'absurdité. Ils s'endorment avec des mères toute une génération. Sans modération, je rapperai jusqu'à l'aliénation. Une vie banale où l'espoir abdique devant le sort. Ouvrir les yeux trop tôt aura été notre seul tort. Ils nous emmerdent avec leurs règles et ça depuis l'école. Chacun son rôle, je rapperai pour prendre la parole. '96, time bomb me colle une droite sans gants. 2 ans plus tard, je troque mes billes contre un micro d'argent. Je vais avoir 13 ans, la vie me semble énigmatique. Je ne suis pas seul, d'autres casquettes prétendent être lunatiques. On fume d'un stick avec un pan comme seul lien social. On ne s'inquiète pas, demain c'est loin, ça ne peut pas faire de mal. L'école n'en bat le plus, le père paraît toujours perdu. Les poches sont vides, les chaussettes remplies de superflu. Alors j'écris mon impuissance sur les supports urbains. Une Montana dans la main droite remplacera le fusain. Artiste original ou marginal, illégal. Les flics tranchent à coups de bottin de manière légale. Génération naïve suivant de près le cadran lunaire. Le vice passera une bague en or à chacun de nos annulaires. Sans en avoir l'air, je quitte l'école progressivement. Laissant de côté la promesse faite quand j'étais enfant. Passé constructif, adolescence enrichissante. Qui sera ponctuée par le départ d'un père compatissant. J'ai pris conscience de mes erreurs à la majorité. Les cheveux de ma mère sont devenus blancs à cause de mon majeur levé. Alors je rentre à pied dans cette agence où tout le monde s'ancre. Sans compétence, on me parlera comme si j'étais un cancre. On m'enverra casser des pierres pour mériter l'argent. Une tranche de vie s'est écoulée, j'aurai bientôt 20 ans. Nous sommes des milliers en France à être dégoûtés. Je vais être un pilier du sens, pas de l'absurdité. Ils s'endorment avec des mères toute une génération. Sans modération, je rapperai jusqu'à l'aliénation. Une vie banale où l'espoir abdique devant le sort. Ouvrir les yeux trop tôt aura été notre seul tort. Ils nous emmerdent avec leurs règles et ça depuis l'école. Chacun son rôle, je rapperai pour prendre la parole. '2006, je prends la plume pour la première fois. J'ai 21 ans, pas d'emploi, je traîne une gueule de bois. L'existence me paraît longue, l'avenir incertain. Mais il me semble que sur le son, mes rimes s'insèrent bien. Contestation acerbe, aussi naïve que débutante. Le mic est silencieux, introverti, je rappe en chuchotant. Une prose éphémère, aussi futile qu'importante. Une passion en elle sommaira 6 ans pourtant. J'en prends conscience, il est clair que je ne me sens pas bien. Je ferai le vide, mon esprit se nourrira de rien. Désormais la vie ne m'imposera plus le moindre code. À l'horizon, une seconde naissance fera office d'exode. Inexorablement, l'espoir demeure dans un linceul. En 2013, j'ai 27 ans, l'envie d'ouvrir ma gueule. Alors je gratte le papier jusqu'à en perdre mes mots. Des flots de vérité se déverseront jusqu'à noyer le faux. Verve aseptisée, prédicateur, moraliste. Le monde du rap est un cliché, je vais être un lyriciste. 4 minutes 36, les secondes passent et je m'étends. Une tranche de vie s'écoule, j'aurai bientôt 30 ans. Nous sommes des milliers en France à être dégoûtés. Je veux être un pilier du sens, pas de l'absurdité. Ils endorment avec des mères toute une génération. Sans modération, je rapperai jusqu'à l'aliénation. Une vie banale où l'espoir abdique devant le sort. Ouvrir les yeux trop tôt aura été notre seul tort. Ils nous emmerdent avec leurs règles et ça depuis l'école. Chacun son rôle, je rapperai pour prendre la parole.